Je suis avec JP de Naraka. Je suis très content de t'avoir parce que, bah, comme je te le disais en off, ça fait un moment que je suis votre groupe. Donc déjà, merci. Merci à toi pour l'invitation de l'interview. On va parler notamment de la sortie de votre nouvel album qui arrive bah, très prochainement maintenant. Je voudrais qu'on commence parce que tu peux te présenter et présenter un peu ce qu'est Naraka, s'il te plaît. Bah, je m'appelle Jean-Philippe, donc je suis le guitariste fondateur du groupe Naraka. Donc, Naraka, c'est un projet qui a, on va dire, vraiment 3 ans, parce que je ne compte pas les années de Covid, parce qu'on a le groupe s'est vraiment formé pendant le Covid. Donc on va pas compter ces années-là parce que ça compte pour du beurre. Donc c'est un groupe qui a 3 ans, qui a déjà fait pas mal de tournées à droite à gauche. Et là, on s'apprête à sortir le second album, qui sortira le 25 octobre. Alors j'aimerais revenir tout de suite sur les musiciens qui t'accompagnent parce que tu as du beau monde à tes côtés, notamment Pierre-André qui est donc à la basse, qui est aussi le leader de Vestige et qui a des projets sympas à côté, et Frankie Costanza qui lui à la batterie a fait. Et sur un projet métal sur deux en France, enfin non, j'abuse, mais voilà, qui a multiples projets, notamment Ancien Dagobah, Les Tambours du Bronx, et je vais en oublier plein parce qu'il est sur plein de trucs. Est-ce que pour Naraka, c'est un atout majeur de pouvoir travailler avec des musiciens qui peuvent être créatifs d'une certaine façon d'un côté, mais aussi venir avec toute leur expérience sur Naraka? Alors déjà, je vais mettre les choses au point. De toute façon, c'est quelque chose qui de toute façon sera sorti forcément quoi qu'il arrive. Les gens de Vestige ne font plus partie de Naraka. On va pas rentrer forcément dans le détail, parce que j'ai pas envie que ça devienne un question-réponse entre les interviews ou tout ça, mais pour diverses raisons, c'est des gens avec qui je n'avais plus envie de travailler et je leur souhaite bon vent, tout simplement. Donc, par contre, par rapport à Francky, oui, là c'est une crème et du coup, on s'entend super bien. Et en fait, si tu vois le truc, en fait, Francky correspond totalement à l'ADN de Naraka, bah, de par les influences d'Agobesque, on va pas le cacher. Et du coup, ça correspond vraiment au son qu'on recherchait. Et surtout à la frappe que Francky a. Après, c'est un tout, Francky, hein, c'est son look, son image. Naraka, ça se définit comme un groupe qui est un petit peu entre, j'ai envie de dire le cul entre deux chaises, j'aime pas trop cette expression-là, mais c'est-à-dire que c'est un groupe qui va faire des chansons extrêmes et des chansons aussi mainstream. Bah, je pense que tu dois l'entendre sur le second album, qui a beaucoup plus de variété par rapport au premier. Donc, du coup, c'est vraiment des sons qui correspondent parfaitement parce que bah, il est capable de tout jouer, aussi bien des titres à 200 BPM que des ballades. Donc, oui, c'est un atout majeur, tout à fait. Alors avant de partir directement sur vraiment le cœur du sujet de ce nouvel album, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur celui que vous avez sorti en 2021, In Tenebris, qui moi, je trouve est un excellent album de démarrage. Enfin, c'est quand même Merci. c'est il est bien, il est carré. Merci. Et vous aviez déjà, en fait, je trouve, commencé à poser les premières pierres un peu de ce que vous avez poussé un peu plus loin sur ce deuxième album. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Bah, déjà, c'est le même producteur sur les deux, hein, c'est Logan Mader. Donc, du coup, il y a une entité au niveau du son qui est commune. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'était poser les entités sur le premier album. Et bah, le but va être à chaque fois de le repousser à chaque fois sur les albums suivants. Par exemple, le troisième, là, on commence l'enregistrement dans pas longtemps. Et on espère du coup une sortie en fait plus rapprochée entre le deuxième et le troisième qu'entre le premier et le deuxième. Il y aura pas mal de surprises tout ça à ce niveau-là sur le troisième, et bon là c'est encore un petit peu prématuré pour en parler. Ok, oui, parce que bah, tu vois, enfin, tu parlais tout à l'heure d'influence d'Agoba, d'influence. Moi, je parlerai aussi d'influence de Gojira. Je retrouve, Ouais, voilà, c'est suivant les vrai. morceaux, sur certains morceaux, j'entends vraiment un peu le côté Gojira autour de From Mars to Sirius, enfin, tu vois, ces années-là. Ouais, bah c'est forcément des trucs qu'on écoute, donc forcément ça, je pense après, je pense que ça va demander forcément plusieurs albums pour vraiment que les influences s'entendent de moins en moins, forcément. Oui. C'est inévitable. Ça a demandé plusieurs albums pour ça. Après, sur le premier album, j'avais bien aimé une chronique que vous avez dit. J'avais bien aimé cette chronique sur le premier album qui nous avait dit qu'on était un mix parfait entre Gojira et ses petites flèches. Et moi, j'avais assez bien aimé ce comparatif, parce que c'est deux groupes que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le chanteur de ses petites flèches avait bossé avec nous à la pochette du premier album. Donc, comme c'est des groupes que j'aime beaucoup, j'avais bien aimé cette comparaison. Ouais, parce que tu vois, là, j'ai aussi retrouvé un peu du Early Dagoba, on va dire. Tu sais, les premiers albums qui étaient encore dans le dur, mais il y avait déjà un peu ces trucs un peu début metalcore, tu sais, incorporé, mais par pointe légère. Par pointe légère. Et surtout, vous avez encore mis, je dirais, deux titres plutôt symphoniques, plutôt de Death Symfo au milieu de tout ça. Sur le nouvel, tu veux dire ? Oui. Oui, alors je pense que si je fais... Ça doit être L1 et Raining Red, auxquels tu fais allusion, j'imagine. C'est ça, c'est les deux titres auxquels je pense. Parce voilà, que... c'est les deux vraiment symphos sur ton nouvel album. On est tellement dessus qu'à un moment, on les oublie. Ouais, mais non, c'est vraiment... Non, c'est les deux symphos, les autres sont... Ils en ont tous un petit peu par-ci, par-là, mais on va dire que c'est les deux qui ressortent au niveau sympho. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et d'ailleurs, tu as aussi tenté un truc qui est très intéressant, c'est de mettre un titre totalement acoustique en plein milieu de l'album. Ouais, alors, je pense que tu dois faire référence à la chanson Lost. Ouais. Donc en fait, il y a deux versions de la chanson. Ouais. Il y a une version qui est un peu plus, qui est une chanson beaucoup plus calme, et une version de cette chanson-là qui est totalement acoustique. Mais pour les musiciens, peut-être qu'ils entendront en fait qu'elle est accordée différemment de l'original. Justement, tu as commencé à en parler, mais vous avez collaboré avec Septic Flesh sur un morceau. Comment ça s'est passé cette collab? Je suppose que c'était pour vous. Ah bah super, oui, donc c'est sur le morceau Raining Red qui sortira. Donc ça, c'est le prochain single qui sort le 12 octobre. Donc c'est avec Sotiris de Septic Flesh qui pose sa voix sur ce titre. Idéalement, on aurait pu faire un clip avec lui, en fait. Il était prêt à venir en France pour vraiment qu'on clipe le truc. Sympa. Ça aurait été vraiment cool. Après, c'était des histoires de planning entre nous, Francky, il est sur pas mal de choses aussi à côté, lui, et Sotiris. Du coup, en fait, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et l'option fond vert, en fait, dans chacun dans un pays, était un petit peu hors budget pour nous. Donc, du coup, on a préféré faire une lyrique vidéo. On parle de Septic Flesh, mais pour un jeune groupe, vous avez quand même déjà un pédigré de tournée avec des très très gros noms. Là, vous avez tourné avec Cradle of Filth en 2022, et il y avait Alceste en plus sur la tournée, donc ça fait une belle date. Là, vous avez à nouveau tourné avec Cradle pour quelques dates en Europe. Vous avez fait Nile aussi. On a fait Nine aussi, on a fait les 40 ans de Loul Blast avec Black Bomba. Là, on sort d'une petite tournée avec Chaosium, là, c'est un groupe suisse de metalcore. On a fini dimanche avec eux. Et là, on repart en novembre et on a pas mal, je peux pas le dire encore, mais on a beaucoup, beaucoup de festivals en 2026. Ok, cool. Super. Ils sont un peu partout en France. Ouais. Ah ouais, mais ça. Je suppose aussi que le fait de côtoyer des artistes comme ça, qui sont, on va dire, très très aguerris de la scène, depuis Cradle, ils doivent bien avoir 30 ou 35 ans de carrière maintenant. Ça doit aussi vous influencer beaucoup musicalement, mais même dans la façon de préparer la scène. Après, quand tu tournes avec des trucs comme ça, honnêtement, quand t'es la première partie, tu te sens tout petit, quoi. Par rapport à quand tu tournes en France, dans des salles un petit peu plus en première partie ou en tête d'affiche, quoi. Donc, du coup, c'est complètement une autre organisation, quoi. Le première partie, il est moins attendu, forcément, que la tête d'affiche, mais on a quand même des gens qui viennent nous poser des questions. Ah, vous êtes Naraka, on a d'autres idées sur l'affiche et tout. Après, le concert, en général, c'est beaucoup plus intense. Beaucoup de gens viennent nous voir après parce qu'on l'aura plus, quoi. Mais après, c'est pour faire ses preuves, en gros, quoi. C'est, c'est du t'es l'outsider, en gros tu dois tout donner sur 30 minutes pour convaincre, quoi. Mais Avec la fatigue, le stress, etc., quoi. ah, bien sûr. Tu le disais, vous allez faire beaucoup de festivals. Vous prévoyez aussi de tourner en France sur un support ou même en tête d'affiche Alors peut-être de salles plus là, petites ou... du support, on ne va pas en faire peut-être en 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que le support, c'est en coût de production pour un goût d'ouverture, ça coûte quand même de l'argent, donc il faut pouvoir le rentabiliser. Donc là, 2026, ce n'est pas forcément prévu, mais sur le troisième album, ce serait quelque chose, oui, qu'on referait. Puisqu'on devait tourner, en fait, c'était avant Cradle, on aurait dû faire une tournée avec Septic Pêche en mars 2022, mais qui avait été annulée. Cause Covid, quoi. Cette tournée n'avait jamais été reportée, mais on est toujours en contact avec cette petite pêche pour essayer de se faire un jour une tournée ensemble, quoi. Donc ça serait le possible support, bah, je ne sais pas quand encore, mais ça serait ça l'idée, en tout cas. Ok, cool. Et du coup, au sens plus global de Naraka, c'est quoi la suite? C'est quoi les projets? Là, tu as commencé à évoquer un peu l'album. Ouais, alors C'est quoi les bah... grandes lignes du projet Naraka à venir? Les grandes lignes, c'est la sortie de ce nouvel album là maintenant. Un dernier clip pour cet album-là sortira en janvier pour vraiment clôturer la promotion de cet album-là. Et après, c'est sur les routes en 2026, les festivals et tout. Mais entre-temps, on aura enregistré le troisième. Alors, c'est difficile de donner des dates, hein, mais on espère avant l'été prochain, en tout cas, avoir fini le troisième. Pour aller, en fait, le faire produire par Jacob Hansen au Danemark. Cool. Voilà, on est déjà en contact avec lui. Il a aimé le projet. Donc c'est ça l'idée, c'est ça le projet pour ce D'accord. troisième album. Pour les personnes comme moi qui ne savent pas exactement qui est Jacob Hansen, est-ce que tu peux Alors, resituer avec qui il a travaillé, ok. par exemple? Alors Jacob Hansen, c'est un producteur danois. Ça fait une vingtaine d'années maintenant, peut-être un peu plus, qu'il tourne et qu'il a bossé avec beaucoup de groupes. Bah, il a bossé avec. Mais il a bossé une fois avec Dagoba. Il a bossé beaucoup avec Fresh Gone Apocalypse. Il a bossé avec Volbeat. Il a bossé avec Evergrey, avec Arch Enemy, avec Destruction, avec Epica. Enfin, voilà, il a bossé avec beaucoup, beaucoup de groupes. Et il a un son vraiment très, très, très différent. Logan Mather, c'est très bien, hein, mais il a un son très différent de Logan Mather. Et notre ingé son, en fait, pour les concerts live, qui connaît déjà Jacob Hansen parce qu'il avait bossé avec lui il y a très longtemps, enfin, il aurait dû bosser avec lui, m'a dit, non, mais vous devriez vraiment, pour le son de Naraka, pour le faire évoluer, vous devrez vraiment travailler avec lui. Et du coup, on s'est rapproché de lui grâce à lui, quoi. C'est super. C'est Donc super. voilà, c'est pas fait, mais Oui. les feux sont au vert pour que ça se fasse. En tout cas, après, il faut trouver le temps de l'enregistrer. Bon, maintenant, c'est un peu plus cool si on a notre propre studio, donc Oui. on a le temps de pouvoir étaler l'enregistrement, mais faut pas trop traîner non plus, quoi. Ouais, j'ai vu toutes les petites stories que tu as postées sur le Oui, montage du studio. J'ai trouvé ça sympa d'accord. de le Voilà, mettre oui, en avant. c'était pour montrer un peu l'évolution des travaux, quoi. Ouais, c'est cool. Bah écoute, j'en viens au terme de mes questions. Je te remercie d'avoir répondu. Bah, de rien, merci à toi. Voilà, que dire à part que voilà, c'est encore un album qui est intéressant, qui a de multiples influences et Merci. qu'il faut aller l'écouter pour se rendre compte et après essayer de vous voir sur scène. Parce que ben, OK. moi, je vous ai vu sur scène une fois et. Ça Autant marche. les albums sont très cool, mais c'est vrai que vous passez un step une fois que C'est la sûr. musique est en live. Ça prend bah, le métal d'une façon générale, ça prend une autre Ouais. dimension sur scène qu'en album, même avec une super chaîne fille. Ça Pas la même. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec toi. C'est clair. Bah, écoute, si tu veux dire un dernier mot, c'est avec plaisir. Et sinon. Bah, merci à toi pour l'interview, merci à tous tes auditeurs, et puis on se voit très vite dans les concerts. Ouais, à bientôt. À Merci beaucoup. bientôt. Salut. Salut. Bye.